couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2 sur Fadjet.net pour votre demi-heure avec les artistes de la région. Pierre au micro, vous me connaissez depuis maintenant 4 saisons. Comment que c'est les gars, on est sur Facebook, Fadjet-du-6 Couleur Locale. Que vous nous écoutiez samedi à 13h ou dimanche à midi, on vous souhaite un bon appétit. Votre estomac est contenté, votre palais adore ce qu'il mange. C'est bon, mais nous on va nourrir autre chose, on va nourrir votre esprit, on va nourrir votre âme de mélomane, on va nourrir votre cœur. Et spécial big up et dédicace à tous les fans de rap qui écoutent Fadjet, parce que je sais qu'il y en a et on est là pour vous, puisqu'on est avec le rappeur NLD. Salut Pierre, comment tu vas ? Ça va et toi ? Super, c'est super. Un plaisir d'être ici. Eh ben, c'est un plaisir de te recevoir. Alors pour pas heurter les sensibilités, moi je te présente comme un rappeur, mais tu es un artiste également. Tu n'es pas juste défini par le rap. C'est ça exactement, je me définis pas forcément, je m'arrête pas au rap. Tu t'arrêtes pas au rap, ouais. Je rappe, je kiffe le rap à fond, mais je kiffe la mélo aussi, je kiffe chanter. Donc j'essaie de mélanger les deux et je mets mon univers dans les deux et voilà, c'est... C'est ce que je kiffe faire. Eh ben c'est super, c'est bien kiffant. En tout cas, moi j'ai écouté ce que tu as fait, évidemment, les trois morceaux qu'on va pouvoir faire écouter aux auditeurs, dont une exclue. Et ça, on te remercie quand même sur Fadjet pour balancer une petite exclue. Je voulais pas heurter les sensibilités parce que des fois, c'est vrai que moi je reçois des rappeurs, je leur dis ouais, vous êtes rappeur et tout. Oui, je suis aussi musicien, et puis je suis aussi. Ouais, ça va les gars, on va se détendre. NLD au 94.2 à Nancy et sur Fadjet.net pendant une demi-heure. Alors déjà, tes petites questions journalistes un peu basiques, mais NLD, ça veut dire quoi ? Alors NLD, si tu veux, mon prénom c'est Dylan, donc c'est le trigramme de Dylan en verlan, Dylan Nalid NLD, tout simplement. Alias numéro 23. Numéro 23, ton chiffre fétiche. C'est ça exactement. Pourquoi ? Parce que je suis né le 23, j'habite au bloc 23, je vois le 23 partout, c'est 23, pas de bavure. Attends, je m'appelle Pierre et j'habite rue Pierre. Ah bah. C'est pareil un peu. Et quand même, on est bon. Hein. On est très connectés. Alors toi, tu as déjà quand même pas mal de contenus qui sont sortis. On a deux albums, Envol et Une Plume Sans Fin. C'est ça, exactement. Ou plutôt Une Plume Sans Fin et Envol, si on veut être chronologiquement bon parlant. Des singles, Banalité, C'est Pas La Peine, Monde Meilleur, tout ça, c'est sur Deezer, Spotify. C'est disponible sur toutes les plateformes, tous ceux qui veulent aller checker. Toutes les bonnes crémières. T'es avec ton crew, on va les présenter quand même. Je vous l'emmène micro. Exactement. En face de moi, du coup, TR4, voilà, mon community manager, le poteau qui est toujours là avec moi. Le poteau qui est là, tu nous fais un petit coucou qu'on entend ta voix. Salut l'équipe. TR4 et à ma gauche, mon manager, du coup, Max, voilà, inspi. Un petit coucou. Et ben voilà, on referme les micros parce que on s'en fout de la c'est toi la star, le pauvre type. Ouais. C'est pas gentil ça, non, je plaisante. Il faut avoir une bonne équipe quand on est musicien. Ah, c'est clair, ça aide quand même pas mal. C'est clair, surtout quand tu es un artiste et que tu pars de pas grand-chose. On va dire que se faire entourer et avoir une équipe autour de soi, c'est très, très, très, très important. Alors, tu pars de quoi, toi, justement ? Bah, de rien. de rien, justement. Moi, j'ai commencé la musique publiquement il y a 3 ans maintenant. Ça fait presque une dizaine d'années maintenant que l'écriture et tout ça, c'est en place. Mais du coup, c'est grâce à Terre en face de moi que ça a commencé. À Nancy, justement, dans une voiture, voilà, sur un freestyle. Moi, je n'osais pas trop au début. Il a dû pousser un petit peu. Un petit peu timide. C'est ça, il m'a poussé un peu. Et puis, il m'a pris en vidéo. Et je lui ai dit, tu ne mets pas ça sur les réseaux. Hein, tu ne mets pas ça sur Facebook ou je ne sais pas quoi. Vas-y, mets pas ça, là. Non. Ce n'était pas trop mon délire de base. Et il l'a envoyé. Et j'ai eu des bons retours et plein de force, du coup. Et puis, j'ai pris de plus en plus de kiff. Et puis après, tout est venu et ça a été très vite. Et maintenant, voilà, c'est plus qu'une passion. C'est plus qu'une passion. Et on pourrait même dire que sur ce genre d'activité, on est un peu toujours en évolution. Tu sais, on dit toujours que le bonheur, c'est pas une finalité, mais c'est un chemin. Et on pourrait dire que ta vie, elle est en chargement permanent. T'as tout compris, voilà. Et d'ailleurs, c'est le titre qu'on va écouter. Exactement. Alors, qui est issu de l'album Envol, sur Deezer, Spotify. Alors, je vais te poser une question. Il y a deux écoles à cette question. En termes de réponse, cette question, c'est de quoi parle le morceau ? Alors, soit on me répond, les auditeurs, ils ont qu'à écouter. Hein, parce que... Et du coup, je rentre chez moi, je suis en mode, vas-y, là, c'est quoi, là ? Je pleure. Ou alors, on m'explique un peu, quand même, on tease un peu le truc. Justement, changement, c'est un morceau qui me tient à cœur parce que c'est un morceau qui explique un peu le comment du comment. C'est-à-dire que là, sur 2022, enfin 2021-2022, c'était beaucoup de préparation. Et ce morceau-là, dans cet EP-là, justement, c'est ce que je voulais retranscrire dedans. C'était le chemin, en fait, de la base de où on est parti jusqu'à la sortie du morceau et encore maintenant. Donc voilà, c'est pour retranscrire un petit peu ces informations-là. Et c'est un très bon morceau. Allez, checker ça fort parce que ça vaut le coup. On va checker ça. On écoute Chargement de NLD, pardon. Bon, sur Fadjet dans Couleur Locale. Je la choque, besoin de grosse tête et d'échecs. Envoie la prod que je me chauffe. J'ai compris le fruit de l'échec. J'ai noyé tes yeux sous l'eau chaude. Rosso, limo, défense sicilienne. Je veux rouler dans la plus grosse des chops. En guerre, je suis solo contre les hyènes. Dans moins de deux ans, j'aurais déjà fait des hits à mort. Si j'arrive là, c'est que t'auras fait faillite avant. J'ai déjà vu 200, chacun dans leur dos, se cracher dessus à mort. Y'a que la mort qui pourra m'arrêter dorénavant. On a passé des nuits à se regarder dans le blanc des yeux. On a tassé des vides pour écarter tout sujet précieux. Si j'avais écouté ma haine, je l'aurais amené loin dans les cieux. Si elle avait ressenti le quart de ma peine, elle serait jamais ressortie du jeu. On a passé des nuits à se regarder dans le blanc des yeux. On a tassé des vides pour écarter tout sujet précieux. Si j'avais écouté ma haine, je l'aurais amené loin dans les cieux. Si elle avait ressenti le quart de ma peine, elle serait jamais ressortie du jeu. Dynamique, j'suis qu'à 23% gros. J'fais de la dynamite, ouais je les tétanise. T'en penses quoi l'ami ouais. Moi tout vient la nuit, ça se tue à la mine. J'évite les ennuis, j'ai vu la famine. J'protège la famille, tes mauvaises gamines. Pas toujours facile, quand le cœur va trop vite, hein. Petit et grand, il sait ce qu'il veut. Il aime les armes, joue avec le feu. Il sait bien qu'il ne va pas mourir vieux. Il voudrait juste partir heureux, laisser sa trace, en aller en héros. S'envoler comme un putain d'héron. Qu'on vienne calmer toutes ses névroses. Avec son âme, ses pensées s'en iront. On a passé des nuits à se regarder dans le blanc des yeux. On a tassé des vides pour écarter tout sujet précieux. Si j'avais écouté ma haine, je l'aurais amené loin dans les cieux. Si elle avait ressenti le quart de ma peine, elle serait jamais ressortie du jeu. On a passé des nuits à se regarder dans le blanc des yeux. On a tassé des vides pour écarter tout sujet précieux. Si j'avais écouté ma haine, je l'aurais amené loin dans les cieux. Si elle avait ressenti le quart de ma peine, elle serait jamais ressortie du jeu. Dans moins de deux ans, j'aurais déjà fait des hits à mort. Si j'arrive là, c'est que t'auras fait faillite avant. J'ai déjà vu 200, chacun dans leur dos, se cracher dessus à mort. Y'a que la mort qui pourra m'arrêter dorénavant. 2.3, je m'arrête pas. Faire du son, j'arrête pas. Je sais, j'en choque à chaque fois, je veux vous entendre faire ratatata. Hey, je le sens pas, je m'engage pas. Je veux de la pierre, de la ragba. Sur les pourris, moi, les pourris, je les rate pas. On a passé des nuits à se regarder dans le blanc des yeux. On a tassé des vides pour écarter tout sujet précieux. Si j'avais écouté ma haine, je l'aurais amené loin dans les cieux. Si elle avait ressenti le quart de ma peine, elle serait jamais ressortie du jeu. On a passé des nuits à se regarder dans le blanc des yeux. On a tassé des vides pour écarter tout sujet précieux. Si j'avais écouté ma haine, je l'aurais amené loin dans les cieux. Si elle avait ressenti le quart de ma peine, elle serait jamais ressortie du jeu. Chargement de NLD sur Fadjet dans Couleur Locale. Est-ce que vous allez bien, chers auditeurs? Nous, on va bien. Alors, c'est vachement kiffant, hein, en vrai. Ah, c'est très bon, très bon morceau. Hein. Bah voilà. Gros kiff. Comme promis, chose due. Chose promis, chose due. On en aura encore deux à suivre sur Fadjet dans Couleur Locale de NLD. On est ravis d'être avec toi. Yes. Alors, du coup, on peut te suivre, hein, parce qu'évidemment, il faut te bien suivre. Bien sûr. Facebook. Facebook, NLD. Snapchat, NLD-du-bas officiel, Instagram pareil, NLD-du-bas off, voilà, un TikTok pareil, TikTok. NLD, surtout TikTok en ce moment, un FR par jour depuis le 1er freestyle. Janvier. Là. C'est ça, freestyle c'est... de rap, ouais. Alors moi j'appelle ça. Ça un bout de morceau. Parce... Un bout de morceau. Un c'est bout un bout de morceau chaque jour parce que justement, je suis pas bloqué sur le, je suis pas bloqué sur le rap, j'aime bien envoyer de la mélo. Du coup, je fais des petits trucs de 40, entre 35 et 1 minute 30, tu vois. Ouais, des reels, quoi. Ouais. C'est ce qu'on appelle ça. Des... C'est ça, c'est ouais. ça. Mais du coup, vraiment concentré sur TikTok. Je dépose aussi sur les autres réseaux, mais moins. Donc là, on est vraiment concentré là-dessus. Et en parallèle de ça, on prépare le premier album. Ouais. On part la semaine prochaine chez Freaky Joe, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, les choses se font. Le studio aussi, on est en train de faire notre studio, voilà, à Nancy. Donc c'est cool, les choses se passent, les choses avancent, on travaille. Ouais. Putain, mais ça c'est quand même cool. Alors les morceaux qui sont sortis là, les singles, ils sont pas dans le futur album, c'est des choses à part, c'est ça? C'est que de l'inédit. C'est y a rien, tout ce qui est sorti est sorti. Y a rien qui sera dans les futurs projets. Là il y a du single qui sort, en plus on aura une exclue. Voilà, et il y aura un album avec encore des inédits. Il faut savoir aussi que du coup là, pour 2023, ça sera un morceau par mois. Un morceau par mois clippé. Voilà. Clip à chaque fois, genre. Clip à chaque fois. Bien clip réalisé. Clip à chaque fois. Putain. Clip à chaque fois. On est vulgaire. C'est parti. C'est parti. Ça y est, la préparation maintenant. Ça y est, on avance. On avance les pions. Rappeur, musicien, artiste présent sur Deezer, Spotify avec deux albums, avec des singles. Freestyle de rap. Sur TikTok. Ouais, c'est ça. Je les ai vus sur Facebook aussi. Je sais pas sur Facebook aussi, je l'aimais, mais Facebook, il bloque. Au bout d'une minute, il bloque. Ah, donc c'est pour ça, c'est un peu. Bâtard de Facebook. c'est un peu le bordel. Alors je peux le mettre du coup pour ceux qui font moins d'une minute, mais ceux qui font plus d'une minute, par contre, je suis obligé d'être sur TikTok. On va aller sur TikTok, on est en 2023, chers auditeurs. Il faut s'adapter. Faut aimer la page Facebook Fadjet-6 couleur locale aussi, parce que même en 2023, on a encore besoin de votre soutien, puisque si vous nous soutenez, on soutient les. Artistes locaux. Fort. Eh, quand même, c'est bien. Hein. Ça fait plaisir d'être ici. Je suis au ras des transitions, mais ça fait super plaisir. C'est clair, j'adore ça. Que vous nous écoutiez samedi ou dimanche, on est avec NLD. On a encore deux morceaux à écouter. Un qui est sorti le 27 janvier et un autre qui sortira en mars. C'est une exclue. C'est pour Fadjet. On va parler un petit peu musique maintenant et inspiration. Alors, je le disais en off, moi j'aime un peu le rap, mais je suis pas non plus une banque de données sur le rap. Alors, moi j'ai envie de savoir ce qui t'inspire le plus. Est-ce que t'es plus dans le old school, Oxmo Puccino, des gens comme ça, MC Solar, ou est-ce qu'on est plus dans l'actuel? J'aime beaucoup l'old school. À l'ancienne, du coup, moi j'ai été référence à l'ancienne. Ouais. Donc j'ai beaucoup écouté de rap old school. Mais je m'adapte, du coup j'en prends parce que j'aime ça. Et je leur balance à ma version aujourd'hui. Et on peut en retrouver sur pas mal de morceaux. Mais pas que. Alors old school, genre, une grande référence pour toi, quelqu'un qui t'inspire? Il y en a plein. Moi j'écoutais dans la 405 de mon frère déjà, j'écoutais du NTM et j'écoutais du Akhenaton et morceaux boom bap old school, il y en avait plein, donc ça part de là déjà, tu vois. Et après maintenant en actualité beaucoup moins, il y en a beaucoup moins maintenant, mais en référence, je dirais Nekfeu qui a fait pas mal de morceaux old school à l'ancienne que je kiffe fort, dont je me suis inspiré beaucoup. Alors c'est quoi du old school à l'ancienne, du coup, pour toi? Pour moi, c'est la prod années 90. C'est la prod 90-2000. Ouais, c'est beaucoup de la prod. Hein. C'est beaucoup de la prod, le boom bap. Enfin, après, c'est à toi de t'adapter dessus. Chacun s'adapte comme il l'entend, mais pour moi, c'est surtout les prods à l'ancienne. Prod à l'ancienne 90-2000, avec du piano, de la mélodie, des trucs comme ça, de la boîte à rythme long. Bien qu'on ne juge pas ceux qui le fassent, évidemment. Toutes les couleurs sont dans la nature. Mais ça, voilà, c'est la base du rap. Pour toi, c'est la base du rap. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui? J'ai dit qu'on ne ferait pas de politique, mais j'adore poser cette question aux artistes rappeurs qu'on reçoit. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aujourd'hui aux gens qui sont réfractaires au rap et qui l'associent quasiment systématiquement à la culture un peu de la rue, un peu ce côté délinquance? Parce que c'est des choses qu'on entend. Hein, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ça, je pense que le rap. En toute bienveillance. Le rap, c'est une musique. Que tout le monde peut, tu vois, tout le monde peut s'y trouver, tout le monde peut mettre la main à la pâte. Carrément. C'est soit la rue, que ça soit la politique, que ça soit au niveau de l'amour, au niveau de la vie de tous les jours, de tout ce que tu veux. Chacun peut poser sa patte sur du rap, tu vois. Pour moi, c'est une musique hyper noble. Et c'est pour ça, ça part de là. Et moi, j'ai commencé au tout début à écrire. Moi, je pars sur des poèmes de base. T'écris des poèmes. J'écrivais des poèmes de base. J'avais posé la question. Ce mec est fort, il anticipe. J'écrivais des poèmes de base et en fait, j'ai transformé ça en musique. Et tu t'es dit, de base, je vais le foutre en musique. Ouais, et c'est parti de là, moi. Donc voilà, non, pour moi, c'est. Pour moi, il n'y a pas de ligne particulière. Ouais. Tu peux venir de la rue, tu peux rapper, faire un morceau de ouf. Tu peux venir de ville, faire un morceau de ouf. Venir de n'importe où, tant que tu as des choses à dire et qui sont concrètes et qui sont sincères et que tu les fais par plaisir. Vas-y. Vas-y, vous voulez faire du rap, chers auditeurs? Faites du rap. Non, mais c'est un, C'est un beau message. C'est même pas de la politique. En fait, je pense que c'est une question très pertinente, très pertinente à poser, mon cher NLD sur Fadjet. Avec plaisir. Dans Couleur Locale, tu écrivais des poèmes. J'aurais un petit jeu pour toi. Ouais. C'est le jeu que je fais jouer toutes les personnes que je reçois qui écrivent. C'est un petit jeu d'inspiration. Je te mettrai dans un contexte. Tu vois, tu vas partir super loin. Vas-y. Alors je tease un truc. Ça se trouve, le mec qui va me regarder, il sera là. Ouais, bon, c'est de la merde, mais non, je pense pas. On est avec NLD sur Fadjet dans Couleur Locale. Il est 13h15 ou midi 15, que vous nous écoutiez dimanche, enfin samedi ou dimanche dans tous les cas. Bon appétit, on rappelle que t'es sur toutes les plateformes, Spotify, partout. YouTube. iTunes, voilà, Apple trouve, Music, partout, Apple partout Music, sur toutes les plateformes de téléchargement. Tinder, Badou, truc comme ça, non. Partout non. Partout, ah. Partout, on a dit partout. Ceci ne nous regarde pas. Le 27 janvier, c'était le dernier single en date qui est sorti. Ouais, Cosa Nostra. Du coup, le premier morceau qui est sorti de l'année 2023. Ouais, voilà, Cosa Nostra. Clippé. Pour tous ceux qui n'ont pas encore été checkés, go checker. Voilà, c'est un morceau pur. Un morceau pur. Ouais, un morceau vachement pur. Un morceau moitié rap, moitié slam. Eh oui. Ouais, effectivement, il y a du slam. J'aime dedans. Aussi le parler, tu vois. Je sais le pas, parler, du quoi, le rap, du très beau la slam mélo, en plus. Le slam. Ouais. Bah, ça fait plaisir. Du très très beau slam. Ça fait plaisir. Mmh. Donc, ceux qui n'ont pas encore été checker ça, je vous invite à y aller. Alors, Cosa Nostra, du coup, ça veut dire quoi? Ça me dit vaguement quelque chose, mais. Cosa Nostra, c'est un peu le chemin. C'est le chemin, c'est le parcours. C'est ce que je voulais représenter surtout dans ce morceau-là, surtout dans le clip. Tu vois, on a été clippé à la montagne. Ah ouais. On a été clippé dans les Alpes. Et c'est l'esprit que je voulais rechercher, tu vois, un peu le mec qui cherche son parcours qui le raconte dans son morceau. Mm-hmm. Donc voilà, on en est encore là, plus maintenant à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est ce que je voulais faire passer au moment là. Ouais, bah super, on écoute ça, c'est Cosa Nostra de NLD sur Fadjet dans Couleur Locale. Je fais pas de la comédie, mais je dois finir au cinéma, les plus proches. M'appelle-t-il, pour toi ça restera 23, mélancolique. Eh l'animal, écoute un peu, tu me connaîtras, je les ai écrits encore, mais j'ai plus mal, c'est comme les cicas, ça laisse des traces, pas besoin d'être. Sicario, pas de dérépad. Sicario, pas de CZ auto. Pas de TOT, non. Pas de tout est ok, donc tout est pas ok. Et si t'es pas au Canada, on s'en bat les couilles du hockey. Toujours été le bon camarade, ça se brouille, je te sors très là au clair. Ça pue la pisse ici. Oh oui, ça sent la poisse ici. Oh oui, ça se ment trop fort. En plus, putain, je fais où? À gauche, c'est pas possible. Ils ont pas la même vision des choses. À droite, c'est impossible. Ils ont pas la même définition d'une prose. 3h08, j'entre en mission contre le monde entier. Le mal de crâne, le mal de toi, le mal de nous, c'est infernal. Dis-moi ce que je suis, hein? Tu sais ce que je suis? Un futur nous. Tu sais ce que je suis? Des 42, au fait, tu précises. Je suis le garde-moi, t'es indécis. Regarde-moi, dégage d'ici. Regarde-toi. Parfois, je prends le temps d'analyser les mots. Je m'aperçois que t'avais rien compris, que t'as pas mesuré les choses, que t'as pas mesuré la dose. Mamie, t'as pas fait attention au sang qui coagule depuis. J'ai de l'attention face aux pellicules. Tu m'as quand même permis faire un bond à mon pécule. Dès que tu torchais le boulot en regardant droit dans les yeux. Hey. Le deuxième amour est bien plus fort que le premier. La patate, faut que ça soit la tienne la première. J'ai vu toute mon enfance en déménageant ce grenier. D'ailleurs, je vous embrasse depuis la terre. Bien sûr que je vais vous honorer en équipe ou seul avec mes couilles parce que je sens le manque d'ambition à droite à gauche. Je ressens ce qui ne ressemble pas, je vais devoir quitter le confort. Si je dois partir, c'est pour remplir et remplir mes poches. Faire kiffer et kiffer mes proches encore parce qu'il faut abuser de tout ce qu'on aime. Tout en faisant le nécessaire parce que demain tu n'es plus mienne. Et j'ai peu de temps pour que je sois gravé dans ton cœur car qui court derrière l'infinissable. Je pense plus à rien, je vis le présent. Mais l'envie d'être demain est présente. Je danse sur la vie sans pression et la vraie, je vous la chante. Je me sens bien dans la musique, mais la vida c'est caldera. On sait plus vraiment ce qu'il faut dire, entouré des caméras. Je veux le faire, il me faut mes camarades. 23 purs, pas de bavure comme Camara. Soleil, blessure, si je range dur comme Barbara. Je suis la gueule d'ange qui mettra ton côté démon dans l'embarras. L'ancien moi, je m'en débarrasse. L'ancien me dit t'as les moyens. Lui, il sait que c'était pas rose. Qu'on a toujours respecté les doyens. Qu'on a toujours respecté les croyances. Lui, il sait que c'était pas rose. Qu'on est plutôt bon citoyen. Qu'on a toujours fait face aux carences. Pardon. Moi, je viens de nulle part. Je suis comme une fleur qui a poussé dans les rochers. Ma seule crainte, c'est Dieu. Le seul qui pourrait m'empêcher de pécher. Cosa Nostra de NLD sur Fadjet dans Couleur Locale, avec un petit peu de slam, mon gars. Ouais. Putain. Ouais, ouais. Je suis vulgaire. T'as kiffé ? Ah ouais, franchement, j'ai kiffé. C'est le plus important. C'est vraiment sympa. Je te le disais, j'ai écouté ça avant de préparer l'émission. J'étais au boulot, j'avais la porte ouverte avec ça à fond. J'ai écouté plusieurs fois tes morceaux, puis j'entendais les portes des collègues qui se claquaient comme ça. Je me suis dit, à mon avis, pas qu'ils aient... peut-être qu'ils aimaient pas, mais après, à la limite, on s'en tape. Oui, ouais. C'est chacun ses goûts, mais je pense que c'était plus que c'était très fort. En plus, je bosse dans une université avec les étudiants qui passent et tout. Ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, ce malade-là ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, là ? On est en train de péter les plombs. Pète un câble, on est avec toi. On est déjà à peu près 20 minutes d'émission, un peu plus. Le temps passe vite quand on s'amuse. Alors, tu as commencé, tu écrivais des poèmes. Ouais, c'est ça. Je trouve ça vraiment très, très doux, très, très sympa. Alors, je vais te poser une question. Dis-moi. Je vais te faire jouer à un jeu. Je vais te poser deux cas de figure. Ouais. Et tu vas me dire celui qui t'inspirerait le plus, soit un poème, soit carrément une chanson, des mélodies. Est-ce que tu as envie de jouer à ce jeu-là avec moi ? Bah, écoute, on joue. Eh ben, écoute, on y va. Ok. T'es avec ton crew. Tu rentres d'une tournée, tu es éreinté, tu es dans le train, le soleil est en train de se coucher. Ouais. Tu vois, tu sais ce soleil couchant. Ouais, Nekfeu, étoile vagabonde. Tu l'observes. Et en plus, on a une référence directement. Nekfeu, étoile vagabonde. T'entends le cliquetis, tu vois, sur les rails. Ouais. Tu commences un peu à t'endormir, mais t'es quand même réveillé. Et, ah ouais. Et ce voyage, ce train, ce soleil, ça t'inspire, je sais pas, le changement. Le jour qui cède à la nuit pour mieux céder au jour, je ne sais pas. Et tu commences, tu es là, ouais. Tu commences à avoir des mots, peut-être une musique, et tu vas te mettre à écrire sur ton portable ces idées. Ou, deuxième cas de figure, tu te réveilles d'une nuit ni agitée, ni trop calme, une nuit comme toutes les autres. Mmh. Tu te réveilles et il y a ce rêve. Alors, je ne te dirai pas ce qu'il y avait dans ce rêve, mais il y a ce rêve, tu te relèves et tu sais que tu sais qu'il y a ce rêve, et dans ce rêve, il y a eu une parole, il y a eu un visage, il y a eu peut-être quelques notes de musique, il y a eu une inspiration. Et tu sors un calepin, tu sors ton portable, une tablette, je ne sais pas, un ordinateur, et tu notes, car tu sais que les rêves ont tendance à s'évaporer. C'est clair. Dans les premières minutes. Ça, c'est clair et net. Alors, plutôt coucher de soleil dans le train. C'est difficile. Rêve, c'est chaud. Oh, hein. T'es chaud là. Attention. Mais je partirais quand même plus sur la première. Hein. Ah, j'ai vu que la première. Ah, l'histoire, j'étais dans le train là, ça y est. T'étais dans le train. Ah, ouais. Il y avait déjà un 16 décrit là à la fin de ton discours. Il y avait déjà un truc décrit. Il y avait déjà un futur album entier. Ouais. J'ai cru que t'allais me demander une référence du coup sur qui. Qu'est-ce que j'écouterais à ce moment-là. Mais non, c'était plus. Mais ouais, plus la première quand même. Plus la première. La deuxième, elle est assez régulière, on va dire. C'est assez régulier. Ça se passe souvent. Il va falloir que je change ce petit jeu, puisque ça fait quasiment un an que je le fais avec tout le monde. On trouvera d'autres choses. Très bien, donc le soleil couchant, le train en revenant, parce que c'était quand même la base, en revenant d'une tournée, ce qui me fait aller sur le côté scénique de la force, puisque deux musiciens, un musicien, tu le sais, et ton crew le sait aussi avec nous, que ce qu'on aime aussi, avant tout, je vais arrêter de dire l'adverbe aussi. Est-ce que c'est un adverbe ? Tu sais qu'on aime partager, on aime la scène. Et surtout, voilà, dans toi, ce que tu fais, toi, dans le rap, ça ramène quand même des foules, il y a quand même du partage et tout. Bien sûr. Donc là, moi, je t'imagine bien, là, sur scène, comme ça, à foutre le feu. De ouf. De ouf. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut espérer voir ? Est-ce que c'est en bien projet ? Bien sûr. Là, des scènes, on va essayer d'en avoir le plus possible. Le plus possible. Là, on est encore dans la période où c'est que justement, on essaye d'en avoir. On essaie d'avoir des premières parties, on essaie de se montrer au maximum. Et 2023, là, on a déjà une date dans les Vosges. Et on a déjà aussi fait le Discopolis, Discopolis. On a fait la première partie, donc la boîte à Charme. Charme, ouais. Ouais, anciennement le Sphinx. On a fait la première partie d'Oboy. Ouais, j'avais vu ça. Donc, terrible. Ça, hein. C'était cool de ouf. Il y avait du monde. Franchement, les gens, ils étaient réceptifs. Ouais. Donc, ça donne que envie d'aller bousculer, travailler. Encore plus, et bousculer des scènes et venir se montrer. Et 2023, c'est ce qui va se passer. On va être de plus en plus présents. Et de toute façon, je vais faire au maximum. On va être pâle, comme diraient les jeunes. C'est partout. C'est ça, présent. On va être partout. Sur scène, c'était plutôt solo ou ce serait un truc envisageable d'avoir une section basse, guitare, batterie, piano, de un ouf, truc comme ça. Ça serait un truc. Je sens que ça te plairait, ça. Musicalement, orchestralement, ça serait sympa. Ouais, hein. De ouf. Je te ferais avoir un pianiste, avoir un guitariste derrière. Carrément. Même, comme je te disais tout à l'heure en off, enlever tout ce qui est synthétisé, tu vois. Ouais, avoir moi, du son pur. Je pourrais rapper, chanter que sur des instruments purs. Une guitare, un piano, un saxo. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Donc sur scène, ouais, laisse tomber, bien sûr. Eh ben, on a envie de voir ça, et d'ailleurs, si tu le souhaites, on peut passer un message. On peut le passer. Je sais pas si on va le faire. Imaginons qu'on dise, à heure de grande écoute sur la meilleure radio d'Anseyenne et du monde, qu'on dise, vous êtes un organisateur, bar, salle de concert, spectacle, association, foyers ruraux, que sais-je, le Zénith, l'Olympia, le Madison Square Garden à New York, pourquoi pas. Vous avez écouté NLD, vous avez écouté notre bon ami Dylan, ce grand artiste, et vous dites, vie de ma mère, je le veux. Enfin, vous le dites pas comme ça, parce que là, ça fait très cliché. Et pardon à toutes les mamans qui nous écoutent. C'est n'importe quoi. Et vous vous dites, j'ai envie de le booker. Eh ben, moi, je vous dis, bookez-le. Est-ce qu'on passerait pas ce message ? Mais bookez-moi, je viens sur votre scène, je vous fous le feu, la gestu, l'ambiance, tout. Tout. Tout. Est-ce qu'on viendrait pas de passer ce message-là ? Je crois qu'il est passé. Bookez-le, NLD, tu es sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, Freestyle de rap sur TikTok. Tous les jours, présent, d'ailleurs. Voilà, un morceau par mois, clippé, donc n'hésitez pas à vous abonner partout, la famille. Et voilà, on va être présent cette année 2023, papa, papa. 2023, ça va être l'année NLD. Exactement. On rappelle que tu as déjà 2 albums sur les plateformes, Une plume sans fin, mars 2021, Envol, août 2021. Exactement. Des singles, j'avais cité Banalité, c'est pas la peine, Monde meilleur, le dernier single qu'on a écouté, qui est sorti le 27 janvier, Cosa Nostra. C'est ça, exactement. J'ai essayé de rouler le R, mais je me suis chié. Et puis là, maintenant, c'est l'heure quand même. Et ça fait plaisir pour Fadjet, 94.1 Nancy, Fadjet.net. Couleur locale, les samedis 13h et les dimanches à midi. Et bien pour nous, tu nous fais l'immense plaisir de nous faire diffuser une exclusivité qui s'intitule... Maria. Allez, vas-y. Maria. Non. Alors Maria, c'est ta maman, ta copine, rien à voir. Ave Maria. C'est une figurante imaginaire, on va dire. On va dire qu'on a remplacé le prénom, mais c'est que des histoires vraies. C'est que des histoires vraies. Ouais, on va vous laisser découvrir. Il n'y a pas d'allure, c'est que du vrai, que du réel. Que du réel avec NLD. On te remercie encore à toi et à ton crew d'avoir participé à cette émission. Si vous l'avez raté, le podcast, c'est dimanche à 18h sur Anchor et sur Fadjet.net. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Couleur Locale. On écoute NLD. Numéro 23, il n'y a pas de bavure. Et il a déjà les catchphrases. Excellent, j'adore ce type. On aurait dit Patrick Sébastien. On écoute l'exclu. Marie, encore merci à toi. Ciao, ciao. Le jeune il est naïf, il pense que tout le monde a du bon. Plus trop d'alternatives, il danse maintenant quand la pluie tombe. Et quand le soleil prend la fuite, il rassemble les doutes comme des moutons. Et quand le sommeil prend la fuite, l'écrivain s'agite sur ses boutons. Toujours cette base qui a emprise sur lui. Il part à la chasse des plus belles mélodies. Toujours cette arme qui le motive en lui. Comme d'hab tout se ressasse, mais que veux-tu l'ami? Sur cette base qui a emprise sur lui.